Amis auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue dans cette 106e émission de Ose et Jazz à tous les étages, saison 4, épisode 35, avec toujours ce générique Bacchus de Nicolas Gardel et Léa de Bungers qui nous accompagne depuis tout ce temps. À côté de moi, Vincent qui s'occupe de la technique avec brio comme d'habitude, pour vous présenter cette émission spéciale qui va vous dérouler au fil de cette heure. Le programme du festival Jazz en Touraine 2020. 39e édition de ce festival qui s'inscrit vraiment dans les incontournables de la scène jazz en France, donc du 12 au 20 septembre 2025, 10 jours de festivités, de concerts, de plaisir jazz, qui vont s'étaler entre différentes scènes. Vous avez la scène du village gourmand qui est en accès gratuit, accès simple. Donc là, vous pouvez écouter des groupes jouer sur la grande scène pendant qu'en même temps, vous pouvez manger, boire, etc. dans les différentes boutiques du village gourmand. C'est toujours sympa, toujours agréable de pouvoir déambuler comme ça tranquillement en écoutant de la musique jouée en live par des vrais gens comme ça à quelques mètres de vous. On a fait essayer de faire une sélection qui puisse plaire un petit peu à tout le monde, avec beaucoup de blues, de jazz manouche, de jazz, des choses qui parlent à tout le monde et qui puissent s'écouter tranquillement quand on partage un moment en famille ou entre amis. Et puis le soir, à partir de 19h, il y a un premier concert qui a lieu au Magic Mirror. Ce Magic Mirror qui recrée un petit peu l'ambiance d'un club de jazz assez intimiste, avec un traiteur à l'intérieur qui vous servir à manger et à boire. Et puis un groupe qui essaie de faire vivre ce lieu assez unique, tout en bois, en vitres, vitraux, tentures, etc. C'est vraiment, vraiment très très beau. Et puis à 21h, ensuite, sur l'espace Ligier, la grande salle qui peut accueillir plus de 800 personnes, et bien le concert principal avec la vedette du jour. En gros, comment s'articule le festival comme ça pendant 10 jours. Alors ça commence le 12 septembre. Et je vais pas avoir le temps de vous présenter tous les groupes qui passent sur le village gourmand. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Mais je vais vous concentrer pour l'instant sur le Magic Mirror et l'espace Ligeria pour cette première présentation d'une heure autour du Festival Jazz en Touraine 2025. Et le premier soir, donc le vendredi 12 septembre au Magic Mirror, il y a un groupe très original qui s'appelle Swing That Classic. Et comme son nom semble l'indiquer, la chanteuse du groupe, qui a une formation à la fois classique et jazz, y reprend, adapté par ses collègues musiciens qui eux viennent plus du jazz, reprend des thèmes classiques, mais arrangé en jazz et en général mélangé comme dans un mash-up, hein, ces mash-up que vous pouvez en trouver souvent sur YouTube quand il y a deux chansons qui sont mélangées pour souvent le plus bel effet, à la fois drôlatique mais souvent très très bien fait. Un mélange en fait entre des grands airs classiques et puis du jazz. Alors plutôt qu'un long discours, on va écouter donc la très belle voix de Louise Robard qui est accompagné du trompettiste Julien Sylvan, du saxophoniste Jean-Baptiste Réau, du contrebassiste Pablo Burchard et de Cédric Piromali au piano, ainsi que de Catherine Girard au washboard pour assurer les percussions. On va retrouver donc le morceau L'Abbiamo Neglietti Calici, extrait de la Traviata de Giuseppe Verdi, donc mélangé avec le Muscat Rumble de Kidori, morceau vraiment emblématique du jazz Nouvelle-Orléans, écrit en 1926 et interprété dès les débuts par Louis Armstrong. Donc ce petit mash-up tout de suite par le groupe Swing That Classic. Sushi. suscita l'amore, perché quell'occhio al cuore ho detto poteva via. Mo amor, amor, fra i calici più caliva ci avrà. Ah, ah, li più amor, fra i calici più caliva ci avrà. À la folie, au plaisir qui nous convie. Plaisir, amour, c'est notre vie. Demain pour nous est exceptionnel. Pauvres fleurs éphémères, nous passons en un jour. Et nos âmes légères s'envolent sans retour. C'était Swing That Classic, donc, qui seront le vendredi 12 septembre à 19h au Magic Mirror, et qui interpréteront très certainement ce thème-là, plus plein d'autres. Donc, mélange de classique et de jazz, dans la bonne humeur, avec une très belle ambiance sur scène. Ça joue, ça se prend pas au sérieux, et pourtant, il y a énormément de savoir-faire dans ce qu'ils interprètent là. Le soir même, à 21h, on accueillera sur la scène de l'espace Ligeria Veronica Swift. Veronica Swift, qui n'a rien à voir du tout avec Taylor Swift, est une chanteuse qui vient à l'origine du jazz, principalement, qui a travaillé beaucoup dans des écoles de jazz, avant petit à petit d'étoffer son caractère avec des emprunts à la soul, au rhythm and blues, voire au rock. Elle est très très exubérante sur scène, une grosse pêche, des tenues assez légères et affriolantes, n'ayons pas peur des mots, et puis un groupe qui est emmené notamment par des musiciens comme Brian Villion, qui est l'ancien batteur d'un groupe qui faisait un mélange entre punk et cabaret, qui s'appelait Dresden Dolls. Le clavier Adam Klippel, qui lui vient de Blood, Sweat and Tears. Un pianiste qui vient de Randy Weldman. Le guitariste Chris Whiteman, mais aussi Samson Schmidt, qui est un des grands spécialistes de la guitare manouche, mais qui ne sera pas là le vendredi du 12 septembre, mais qui apparaîtra sur l'enregistrement qu'on va écouter là. Enfin bon, bref, tout un tas de... Un groupe vraiment monté pour la scène et qui envoie. Ils sont la plupart du temps déguisés avec des beaux costumes, un petit peu empire, voilà. On va les écouter notamment chanter ce morceau qu'on va écouter tout de suite, qui s'appelle « I am what I am », qui est un morceau extrait de la comédie musicale « La cage aux folles » telle qu'elle avait été adaptée à Broadway dans les années 70. « I am what I am », donc extrait du dernier album de Veronica Swift sorti en 2023. Et oui, elle le défend encore 2 ans après. « I am what I am », Veronica Swift. So come, come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to take a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Your life is a sham till you can say, hey world, I am what I am. Ba ba do ba do ba ba. Ba ba do be ba ba ba ba ba ba ba do do do do ba ba do be ba ba ba ba ba do do do do do do ba do ba ba wa ba do ba ba wa. I am what I am. I don't want praise. I don't want pity. No, I bang my own drum. Some think it's noise. Some think it's pretty. And so what if I love each feather and each bangle? Why not try to see things from a different angle? Life's not worth a damn till you can shout out loud, I am what I am. Ba-do-ba-do-do-do. Cha-ba-do-ba-do-dee-ba. Cha-ba-do-ba-do-be-ah-dee-ba-dee-ba-dee-ba. Ba-ba-do-ba-do-ba-do-wee. One life, so it's time to open up your closet. Life's not worth a damn till you can shout out loud, I am what I am. C'était donc Veronica Swift avec ce I Am What I Am, très jazzy, très, très chouette. Alors il y a des choses plus, plus rock, des choses plus rhythm and blues, plus pop aussi dans ce qu'elle fait. Et voilà, ça sera l'occasion de venir la voir et d'écouter cette voix assez exceptionnelle quand même. Elle a vraiment du coffre. C'est un petit peu, certains la comparent un petit peu une sorte de Freddie Mercury au féminin. Et bon. C'est faux, mais en même temps, il y a quelques éléments de vrai dans tout ça. Le samedi 13 septembre, donc le lendemain, dès 19h, au Magic Mirror, là, il va y avoir une belle rencontre à faire si vous avez envie de voir une chanteuse canadienne qui opère déjà depuis une bonne vingtaine d'années dans le domaine du jazz avec des teintes folk, avec une belle voix, avec des jolies graves, etc. Elle sera là en duo ce soir-là pour présenter des extraits de son dernier album Step Out qui était sorti en 2024. Elle s'appelle Thérèse Montcalm. C'est une grande voix et un grand nom du jazz déjà depuis une bonne vingtaine d'années et elle sera là pour nous présenter notamment le morceau qu'on va écouter là qui s'appelle She's Not There, écrit par Rod Argent pour les Zombies en 1965, qui avait déjà été un gros succès et qui avait été reprise par Santana en 1977 sur Moonflower, son très beau album partiellement live, partiellement studio. Voilà, elle a vraiment de quoi nous charmer avec sa voix, Thérèse Montcalm, et je vous invite tout de suite à écouter ce She's Not There dans sa version à elle. How many people cried? Well, it's too late to C'était Thérèse Moncalme, extrait de cet album Step Out. Le morceau s'appelait She's Not There, bien sûr. Donc le samedi 13 septembre, elle sera au Magic Mirror. Moi, je l'avais vu il y a une bonne quinzaine d'années au festival Bruce Mandel à La Riche, dans la demeure de Ronsard. Et c'était bien sympa. Donc là, dans le petit cadre du Magic Mirror, ça risque de faire un joli petit concert à la fois intimiste, bluesy, soul, jazz, vraiment très très très beau. Et la soirée ne sera pas finie puisque après il y a vraiment un gros concert qui suit, puisque ça ne sera pas un seul artiste mais deux artistes qui se présenteront à l'Igéria et dès 20h30. Au lieu de 21h habituellement, dès 20h30, le double concert commencera avec Ceux qui marchent debout. Ceux qui marchent debout, c'est une fanfare funk qui existe depuis les années 90. Alors pratiquement tous les musiciens ont changé depuis 1990. Parce que voilà, des groupes comme ça évolue. Il y en a un qui s'en va, un autre qui arrive, un deuxième qui s'en va, un troisième qui arrive, etc. Et puis du coup, voilà, au bout d'un moment, on se retrouve avec un groupe qui porte toujours le même nom, mais qui a pas mal changé de personnel. Mais ça garde quand même tout à fait son esprit. Alors c'est vraiment un groupe très festif sur scène qui envoie. Il y a un trompettiste, un tromboniste, un sous-bassophone, caisse claire et grosse caisse, banjo et sax ténor. Vous imaginez qu'avec tout ça, il y a de quoi vous décoiffer les premiers rangs sans problème. Ils ont eu des morceaux qui ont été utilisés dans le film Chacun cherche son chat, pardon, de Cédric Clapiche. Et suite à ça, ils avaient eu pas mal de succès. Ils avaient fait des premières parties de Fred Wesley, Maceo Parker, Neville Brothers. Et il y a même David Byrne qui les a repérés, qui les a inclus sur une de ses compilations sur son label Loi Cabop. Donc voilà, quand on est repéré par le chanteur-guitariste des Talking Heads, c'est quand même qu'on a un petit peu de bouteille derrière soi. Donc voilà, ça sera la première partie dès 20h30 d'une grande soirée du samedi 13 septembre à l'Espace Ligeria. Et on va écouter donc un morceau extrait d'un de leur dernier album d'ailleurs, Ceux qui marchent debout. Le morceau s'appelle « Africa ». Oh, C'était Africa par Ceux qui marchent debout, un groupe donc fanfare funk qui met le feu partout où il passe. Et ça devrait bien le faire aussi ce samedi 13 septembre à Jazz en Touraine dans l'espace Ligeria à partir de 20h30. D'autant plus que après eux, il y aura une deuxième partie à partir de 22h30. Avec Sima Funk, qui est un artiste cubain qui mélange un petit peu la musique cubaine, le jazz, la funk, la soul, même un petit peu de hip-hop. Un personnage très haut en couleur, avec des costards toujours très flashy. Un jeu de scène assez époustouflant. Et avec lui, il va y avoir une très très grosse ambiance, donc ce samedi 13 septembre à partir de 22h30. D'autant que la salle Ligeria aura été transformée aussi entre-temps. Il y aura un bar qui aura été installé à l'intérieur de la salle. Comme ça, au changement de plateau, il n'y aura pas trop d'attente. Vous pourrez aller au bar pour pouvoir passer un moment à discuter en vous rafraîchissant. Surtout s'il fait aussi chaud à ce moment-là qu'il ne fait chaud en ce moment, parce que vraiment, ça risque d'être chaud bouillant. Donc voilà, ça sera au moins chaud bouillant musicalement. Donc on va écouter un extrait du dernier album de Sima Funk qui s'appelle Patu Cuerpa, sorti il y a à peine 2 mois. Là. Cet album, l'extrait dont l'on va écouter s'appelle Playa Noche. C'est une version enregistrée en live pour une radio. Mais vous allez voir, ça vous donnera une bonne idée de ce qui vous attend si vous décidez à venir le samedi 13 septembre à l'espace Ligeria, bon, pour ce double concert, Ceux qui marchent debout, suivi de Sima Funk. Sima Funk qu'on écoute tout de suite, Playa Noche. Ando suave, disfrutando de lo lindo del detalle, bien tranquilo, lleno de felicidad, endulzado por tu cuerpo y el paisaje. Oh, agüita coco para amanecer, tú descalza colando café, la luz que llega alumbrando tu piel, pa' qué quiero más si esto está súper bien. El pie de la calle me invita a salir, en bicicleta contigo me fui, esta ciudad se parece a ti, tiene flow, movimiento en la boca. montaña. Esta noche tú llegas, nos vamos de playa. Yo soy tú, si tú eres mi sala, cada vez me gusta más. Aunque amanezca nublado, todo está rico si tú estás. Te juro que te quiero cantidad, lo nuestro es diferente. Cariño, frescura y buen ambiente. Lo negativo desaparece. Si estoy cansado, y tú me envuelves. Y si no coges frío, te pones súper caliente. Coco, amanecer. Y tú descalza colando café. La luz que llega alumbrando tu piel. ¿Para qué quiero más si esto está súper bien? El pie de la calle me invita a salir. En bicicleta contigo me fui. Esta ciudad. ¿Vamos para la playa o qué? Tú sabes que sí, papi. ¿Nos vamos para la playa o qué? Tú sabes que nos vamos, nene. Tú sabes que nos vamos, nene. Con botae, mocoí. Nos vimos. Dale pa' que gire. Sabrosa. Nos fuimos a la playa. Nos fuimos con Egipto. C'était Playa Noche par Sima Funk, une version live donc qui donne bien l'ambiance de ce qu'on verra le samedi 13 septembre donc à Jazz en Touraine. Une bien belle soirée. Je pense que le dimanche matin, il y aura plus grand monde debout. Et pourtant, dès dimanche à 10h, vous pourrez participer, si vous avez encore un peu de voix, à un atelier de chant collectif avec Bassé et Bong, 10h du matin, au Magic Mirror. Donc voilà, même si vous n'avez plus beaucoup de voix, c'est marrant, avec Bassé et Bong, il y a toujours beaucoup de professionnalisme et en même temps, c'est cool, c'est vraiment un fabriquer un chœur en un jour comme ça pour le plaisir de travailler un peu la voix, même si on n'a plus beaucoup, c'est pas grave. Ça risque d'être un joli moment, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, donc pourquoi se priver ? Et l'après-midi même, donc le dimanche 14 septembre à 16h, au Magic Mirror toujours, il y aura un spectacle de danse par la compagnie Feet. C'est une histoire des danses jazz et c'est vraiment très très sympa parce que du jazz New Orleans des débuts au charleston, au swing, etc. Il y a une démonstration de tout ce qui se fait un petit peu en danse jazz depuis le début du XXe siècle, depuis le début du jazz. Donc une occasion voilà, de voir un joli spectacle vraiment, vraiment très bien présenté. Ensuite, le lundi, il n'y a rien, c'est relâche comme d'habitude. Et on se retrouve le mardi 16 septembre, avec une journée spéciale Italie, puisque à 19h au Magic Mirror, il y aura Kika, la chanteuse Kika, accompagnée par le Oscar Marchioni Organ Fortet. Donc Kika, c'est une petite voix un peu pointue, très, très sympa. Et voilà, elle reprend des morceaux de jazz, des morceaux classiques, mais aussi quelques compos en anglais, en italien, et tout, avec beaucoup d'aplomb, beaucoup de bonne humeur. C'est vraiment quelqu'un qui sait aller chercher son public, qui a vraiment une belle présence scénique. Et avec l'Oscar Marchioni Organ Quartet, ça fait un moment déjà qu'ils tournent ensemble et c'est rodé, c'est vraiment stylé, quoi, vraiment, on peut le dire. Et voilà, il y a des petits détours aussi, comme on va l'écouter tout de suite, avec des petits morceaux, avec des rythmiques un peu reggae ska. Voilà, donc une petite idée de ce qu'ils font. Kika et Oscar Marchioni Quartet, c'est extrait de leur dernier album qui vient juste de sortir aussi, qui s'appelle Allegre Mi Siento, et sorti tout juste au mois d'avril, là. Et le morceau s'appelle Stop and Go, et c'est ce qu'ils vont nous jouer mardi 16 septembre. I'm stuck here again, late for a drink with James. Is it me or is the world on hold? This time another stop, my life is in a drop. What's down must come up, I've been told. Stop and go is the direction. Stop and go is not my intention. Looks like another day, another way for me. Stop and go, I'm all alone now. Stop and go, my turn to cry now. Looks like another day, another way for me. And now I close my eyes, too late for bye-byes. I know I'll find the time to see. The day I know will come, my smile will turn. Looks like another day, another way for me. Stop and go, I'm all alone now. Stop and go, my turn to cry now. Looks like another day, another way for me. Thank you. stop anger is none of my intention. Looks like another day, another way for me. Stop anger, I'm all alone now. Stop anger, my turn to cry now. Looks like another day, another way for me. Kika et Oscar Marchionne Organ Fortet, donc Stop and Go, extrait de leur tout dernier album Allegre Mi Siento. Je me sens joyeuse et c'est vraiment comme ça que vous vous sentirez lorsque vous sortirez de ce concert qui aura lieu au Magic Mirror, donc à 19h, 16 septembre, et le soir même, donc à 21h, à l'Espace Ligeria. Et bien on enchaînera avec une autre pointure italienne, une grande pointure italienne, le grand Stefano Di Battista, le saxophoniste italien qui nous revient. Ça fait longtemps qu'il n'était pas passé à Montlouis et c'est vraiment un plaisir de le recevoir à nouveau. Il vient de sortir l'année dernière un album qu'on avait fait en coup de cœur d'ailleurs à l'époque, qui s'appelait La Dolce Vita, dans lequel il reprend des grands standards de la musique italienne. Il y a des extraits donc de La Dolce Vita, forcément, de Fellini. Il y a aussi Le Via Con Me de Paolo Conte, La Vita è Bella de Nicola Piovani, qui était la musique du film La Vie est Belle. Una Lacrima Sul Viso de Bibi Solo, Conte Partiro, qui avait été chanté par Andrea Bocelli. Enfin bon, bref, Le Caruso de Lucio là aussi. Donc voilà, un répertoire très populaire italien, mais réarrangé en version jazz, avec un très beau groupe qui l'accompagne, puisque on retrouve l'immense batteur André Ceccarelli à la batterie, donc à la basse Daniele Sorrentino, qui est un immense contrebassiste italien, Fred Nardin, dont on a fait le dernier album en coup de cœur le mois dernier, ici même, sera au piano, et puis à la trompette, il y aura Matteo Cutello. Donc, en gros, c'est un All-Stars, on pourrait le dire, hein, ce groupe qui accompagnera Stefano Di Battista le mardi 16 septembre. Et bah, pour vous en convaincre, on va écouter le thème principal du film de Fellini, Amarcord, rejoué donc par Stefano Di Battista et son groupe, le grand thème de Nino Rota, tout de suite Amarcord. Thank you. C'était le thème principal d'Amarcord, revu par Stefano Di Battista en compagnie de André Ceccarelli, Daniele Sorrentino, Fred Nardin et Matteo Cutello. Donc tous ces gens-là que vous pourrez venir écouter, applaudir, avec lesquels vous pourrez vibrer donc le 16 septembre à 21h à l'espace Ligeria de Mont-Louis dans le cadre de Jazz en Touraine. Vraiment une belle soirée entièrement italienne avec le premier spectacle à 19h de Kika et Oscar Marchioni. Voilà. Et le mercredi 17 septembre, alors on changera un petit peu d'ambiance, ça sera une journée un petit peu jazz manouche, puisque on retrouvera dès 19h au Magic Mirror, toujours, le Baptiste Herbin Trio, qui jouera la musique de Django Reinhardt. Alors c'est original, vous allez me dire, bah oui, Baptiste Herbin, il n'est pas guitariste, il est saxophoniste, donc voilà. Et bien, quelle très bonne idée il a eu d'adapter la musique de Django Reinhardt au saxophone. Ça fonctionne très très très très bien. C'est vraiment une belle réussite. Il a déjà quelques albums à son actif, Baptiste Herbin. Mais là, il explose vraiment sur ce dernier album. Il est encore très bien accompagné, puisqu'on retrouvera encore André Ceccarelli à la batterie, qui aura joué la veille au soir avec Stefano Di Battista et qui jouera donc ce soir-là, le mercredi 17 septembre, au Magic Mirror avec Baptiste Herbin. À la basse, il y aura Sylvain Romano et donc au saxophone, Baptiste Herbin. Donc un album qui a été coup de cœur d'ailleurs ici, ce Django, et qui a reçu énormément de récompenses dans la presse généraliste comme la presse jazz. Donc on va écouter un extrait de cet album donc, qui s'appelle tout simplement Django, sorti cette année, en 2025, du Baptiste Herbin Trio. C'est Montagne Sainte-Geneviève, bien sûr, de Django Reinhardt. C'était le morceau Montagne Sainte-Geneviève de Django Reinhardt, interprété par le Baptiste Herbin Trio, Baptiste Herbin au sax, Sylvain Romano à la basse et André Ceccarelli à la batterie, trio de rêve, pour cette musique de rêve aussi, qui sera donc présentée le mercredi 17 septembre sous le Magic Mirror à 19h. Et la soirée continuera toujours sous le signe du jazz manouche, avec une soirée assez exceptionnelle, puisqu'on y accueillera Angelo De Bar, le superbe guitariste, un des plus grands guitaristes de jazz manouche du monde, il faut le dire, carrément, du monde. Hein, c'est un équivalent des Biri Liagren et consorts. C'est vraiment un guitariste qui joue sur la planète entière pour présenter des programmes de jazz manouche un peu partout. C'est un immense guitariste et qui a déjà une carrière bien longue derrière lui, puisque ses premiers albums et ses premiers concerts datent du début des années 80. Donc voilà, il a même joué avec des groupes comme Bratsch, il a travaillé avec Bojan Zed, il a joué avec Florent Nicolas Niculescu, il a joué avec Thomas Dutronc, bien sûr, avec San Severino, avec plein de gens comme ça. Et donc ce soir-là, Angelo De Bar, au départ, il devait accueillir en sa compagnie une chanteuse qui était Anne Silla. Et malheureusement, il y a eu un petit contretemps, il y a eu un petit projet qui est tombé sur Anne Silla. Tant mieux pour elle d'ailleurs, parce que c'est un très très beau projet. On ne peut rien vous en dire pour l'instant, mais c'est tant mieux pour elle. Et j'espère que ça va se concrétiser et se terminer par un beau succès. Et donc, il a fallu trouver quelqu'un pour remplacer Anne Silla, de manière à apporter un petit coup de pouce à Angelo De Bar sur l'espace Ligeria. Et voilà, donc il a passé quelques petits coups de fil, et puis il y en a un qui a dit bingo tout de suite. Ce n'est rien moins que Thomas Dutronc. Thomas Dutronc, donc, qui viendra jouer avec Angelo De Bar. Donc c'est Angelo De Bar qui est la vedette, mais Thomas Dutronc viendra taper le bœuf un petit peu avec lui, et ça risque de tricoter joliment des six cordes entre ces deux-là, parce que voilà, c'est un joli groupe, surtout qu'il y a déjà, en plus de Angelo De Bar, un deuxième guitariste dans son groupe, qui est Serge Camps, qui est un superbe guitariste manouche aussi, et puis Franck Anastase à contrebasse. Donc un joli petit trio, plus Thomas Dutronc, ça risque de bien mettre le feu. En plus, c'est les gens qui ont le sens aussi du spectacle, c'est-à-dire que quand ils jouent, ils savent faire un petit peu les fous. En même temps, ils jouent sérieusement, mais en même temps, ils font ça avec beaucoup de décontraction, donc c'est un vrai bonheur. On va écouter un extrait du dernier album d'Angelo De Bar, qui est sorti cette année aussi. L'album s'appelle Gypsy Guitars 2. Il y avait eu un premier volume qui était sorti au milieu des années 90, mais qui est malheureusement plus disponible du tout maintenant. Mais celui-ci est bien disponible, et le morceau qu'on va écouter s'appelle The Shake of Araby, un vieux classique de Ted Snyder, qui a même été repris et chanté par les Beatles, c'est pour vous dire. Mais là, c'est par Angelo De Bar avec ses amis Franck Anastase et Serge Camps. Thank you. The Shake of Araby, c'était donc Angelo De Bar en trio, extrait de son dernier album Gypsy Guitars 2. Et donc il sera à 21h à l'Espace Ligeria le mercredi 17 septembre en compagnie de Thomas Dutronc qui viendra un petit peu lui prêter main forte. Non pas qu'il ait besoin qu'on lui prête main forte au niveau musical, mais bon, on va le dire carrément, la notoriété de Thomas Dutronc est quand même nettement plus grande que celle d'Angelo De Bar. Mais c'est quand même Angelo De Bar qui invite et c'est Thomas Dutronc qui est l'invité. Donc il y aura aussi de grands moments d'Angelo De Bar seul avec son groupe et puis... Thomas Dutronc viendra un petit peu de temps en temps interférer dans leur jeu, mais ça va certainement être un beau moment de guitare, mais pas seulement pour les guitaristes, hein, pour tout le monde, parce que ça va jouer, ça va être cool. Le jeudi 18 septembre, on enchaîne là avec une journée où il y aura un petit peu de swing New Orleans et un petit peu de cubain. Le swing New Orleans, ça va être plutôt à 19h. Au Magic Mirror avec les Mama Shakers. Les Mama Shakers, c'est un groupe qui, bon, qui emmène le jazz New Orleans vers quelque chose aussi d'un petit peu plus soul, rhythm and blues, et New Orleans dans l'esprit un petit peu caribéen, quoi, hein, ça joue. Il y a Angela Strandberg qui est la chanteuse, qui chante mais qui joue aussi du washboard, ce petit planche à laver là, sur lequel on fait les percussions. Et quand elle ne chante pas, hop, elle en manche la trompette et donc elle sort des petits solos de trompette pas mauvais. Il y a le clarinettiste Hugo Proy, le banjoïste William Hulund, le guitariste Baptiste Heck et le contrebassiste Gabriel Seyer qui assurent tous en même temps les chœurs. Donc voilà, c'est très dynamique, très enlevé, très, très joyeux. Et bah, pour vous donner une idée un petit peu de ce que ça donne, et bien vous allez écouter tout de suite ce petit morceau qui s'appelle Monkey Mind, qui est extrait de leur dernier album en date, qui lui a déjà 2 ans, il s'appelait Every Time I Go Back Home, donc les Mama Shakers. My teacup, chase my bad luck, 'cause I feel stuck. I don't know why it happens all the time. My brain's trapped, I think left, but I turn right and I feel like a lunatic tried to leave a mess behind. I've been writing songs along the day, but the noise never seems to go away. Like a heartbreak, from dusk till dawn, it just goes on. I've been been writing songs along the day, but the noise never seems to go away. In my wildest dreams, I'm a winner, no bad thoughts, never a sinner. I'm good as I am. I've gone to the streets, sweating the summer breeze, but a bread broken, I fell to the ground. While I jump over the vines, feel deaf, dumb and blind. Anyway, I got a monkey mind. I climbed the tallest tree, sweating the summer breeze, but a bread broken, I fell to the ground. While I jump over the vines, feel deaf, dumb and blind. Anyway, I got a monkey mind. Les Mama Shakers avec Monkey Mind qui seront au Magic Mirror à 19h le jeudi 18 septembre dans le cadre de Jazz en Touraine. Voilà, ils ont déjà fait des festivals comme le Festival de Francfort, Jazz in Marciac, le Basel Blues Festival. Enfin bon, ils ont une belle expérience et donc les retrouver comme ça dans le Magic Mirror avec la pêche qu'ils ont, ça va être un concert quand même très très très sympa. Et puis le soir même, donc à 21h, à l'Espace Ligeria, le retour d'Alfredo Rodriguez qu'on a déjà eu en concert ici, notamment il y a 2-3 ans en compagnie de Richard Bonnat. Ça avait été un excellentissime concert en trio avec un batteur. Je crois que c'était Arnaud Dolmen, mais je ne suis plus très sûr. Ils avaient fait un show absolument incroyable. Donc là, Alfredo Rodriguez revient avec son propre trio pour nous présenter son dernier album qui lui aussi a déjà 2 ans, 2023, s'appelait The Coral Way. Voilà, alors Alfredo Rodriguez est d'origine cubaine, mais il vit aux États-Unis et en France. C'est un pianiste qui a été découvert par Quincy Jones, qui l'a mis sur les rails, qui lui a permis de sortir de Cuba et de se faire connaître aux États-Unis et en France. Et depuis, bah, il a bien creusé son sillon, Alfredo Rodriguez. Il s'est vraiment éclaté au fil de 7 ou 8 albums qui sont tous absolument excellents. Et le dernier en date s'appelle The Coral Way, donc sorti en 2023. Il y reprend notamment un morceau que vous connaissez, je ne vais pas vous donner le titre pour l'instant, vous allez pouvoir le reconnaître par vous-même. Il est accompagné donc de Carlos Sardeuillet à la trompette, de Yarel Hernandez à la basse, de Michael Oliveira à la batterie, et c'est cette formation que l'on retrouvera, sachant que Alfredo Rodriguez, il ne joue pas seulement du piano, mais il joue aussi des claviers électriques et synthétiques. On va écouter le morceau que je vous ai choisi par Alfredo Rodriguez, et vous allez essayer de retrouver de quel morceau il s'agit, puisque vous le connaissez forcément. Thank you. C'était Alfredo Rodriguez en trio, et le morceau, bien sûr, vous l'avez tous reconnu, c'était le Thriller de Michael Jackson, coécrit par Michael Jackson, Rod Temperton et Quincy Jones, une manière pour Alfredo Rodriguez de renvoyer l'ascenseur à Quincy Jones, où qu'il soit d'ailleurs, là-haut dans les nuages, puisque Alfredo Rodriguez avait été découvert par Quincy Jones alors qu'il avait... une douzaine d'années et qui était déjà un pianiste émérite. Donc, Alfredo Rodriguez Trio seront à l'Espace Ligeria le jeudi 18 septembre à 21h et ça risque d'être une belle soirée aussi bien, bien remuante ce soir-là. Le lendemain, vendredi 19 septembre, à 19h au Magic Mirror, là on aura un bien beau plateau avec Hugo Lippi à la guitare, Gaël Racotondrabé au piano et Laurent Verneret à la basse et Denis Benaroche à la batterie, un quatuor de musiciens français pas forcément très connus du grand public mais qui sont vraiment des incontournables de la scène jazz, qui jouent avec des tonnes de gens, etc. Donc un beau plateau jazz tout à fait classique avec un guitariste en vedette, Hugo Lippi, qui est vraiment un des meilleurs guitaristes français. Il avait sorti en 2024 un album qui s'appelait Reflections in B, dont on avait fait un coup de cœur d'ailleurs ici. C'est un titre solo d'ailleurs que l'on va écouter, qui est une reprise, et ben je vais faire comme pour le précédent, je vais pas vous dire ce que c'est pour l'instant, ça sera à vous de découvrir de quoi il s'agit. Donc Hugo Lippi, le morceau Mystère, c'est tout de suite. Thank you. Hugo Lippi, donc, qui était dans une reprise ici de Babouchka en solo, le Babouchka de Kate Bush, grand succès du début des années 80, qu'il a magnifiquement réinterprété pour la guitare. Et c'est pas facile de faire du Kate Bush à la guitare, hein, parce que les tonalités de sa voix, ça nécessite quand même de savoir transposer tout ça sur le jeu de guitare, et c'est particulièrement réussi ici. Ensuite, nous aurons donc à 21h à l'Espace Ligeria, ce vendredi 19 septembre, eh ben, une des grandes chanteuses de jazz qu'on est vraiment content de pouvoir accueillir ici, c'est bien sûr China Moses, la fille de Didi Bridgewater, qui sera de retour parmi nous, puisqu'elle a déjà chanté au moins une ou deux fois ici, il y a une dizaine d'années environ. Il y a un nouvel album qui doit sortir, qui sortira seulement en octobre, donc pas de chance, hein, on ne pourra pas voir l'album en vente ce soir-là sur le festival. Mais il y a déjà un titre qui a été mis en ligne sur les plateformes de streaming. Et ce titre, c'est It's Okay, I'm Not Alone. Elle y est accompagnée aux guitares par Martin Sewell, à l'orgue par Michael King, à la basse par Michael Olatuja, et à la batterie par Darryl Jones. Il y a également Troy Miller au synthétiseur. Le morceau vient juste d'être mis en ligne, là, il y a à peine une dizaine de jours. Morceau très bluesy et tout. Alors ça va être un concert en effet très blues, jazz, soul. Elle sait très bien y faire, China Moses. Et puis voilà, elle a une présence sur scène exceptionnelle. C'est une tchatcheuse infernale. Moi, une des fois où je l'ai vu en duo avec André Manoukian. C'est quand même la seule fois où j'ai vu André Manoukian littéralement se faire éteindre, tellement il ne pouvait pas en placer une, parce que China Moses, quand elle parle, elle parle. hein. Elle ne vous en laisse pas en placer une. Donc elle a toujours plein d'anecdotes à raconter et tout, avec sa maman Didier Ridgewater, avec tous les gens qu'elle a connus dans le milieu. Donc voilà, le spectacle est à la fois chanté et puis il y a aussi beaucoup de petites anecdotes, de petites choses sur le milieu du jazz. C'est assez drôle. On va écouter donc ce nouveau morceau It's Okay, I'm Not Alone, China Moses, donc qui sera le vendredi 19 septembre à l'Espace Ligeria à 21h. C'était donc China Moses avec ce morceau It's Okay, I'm Not Alone, extrait du nouvel album qui sortira après le festival. Donc elle sera le vendredi 19 septembre à 21h à l'Espace Ligeria, soirée qui aura commencé avec Hugo Lippi à 19h au Magic Mirror. Une bien belle soirée. Et puis le lendemain, il y aura encore un autre groupe qui passera à l'Espace Ligeria, mais j'ai pas de son à vous partager avec eux. C'est un orchestre qui fait en même temps de la cuisine, donc il y aura des chefs sur scène, il y aura des musiciens, il y aura des serveurs qui viendront faire passer les plats dans les rangs, etc. Ça va être une opération à la fois gustative, musicale, vraiment très certainement très joyeuse, très très originale. L'orchestre s'appelle Petit Plat pour Grand Ensemble, donc c'est carrément un big band, hein. Il y a du monde qui joue avec eux. Et puis donc voilà, un chef qui viendra animer. Et bon, ça risque d'être une belle soirée, bien sympa. Et auparavant, il y aura eu au Magic Mirror, donc ce samedi 20 septembre, un groupe local, le groupe Suck the Head, qui est un brass band second line, comme on les appelle. Voilà, que brass band second line, c'est la deuxième ligne dans les séries de musiciens qui jouent dans les rues à la Nouvelle-Orléans. Donc c'est un concert qui sera en partie déambulatoire, mais voilà, également à partir du Magic Mirror. Et donc ça risque d'être de bousculer un petit peu les habitudes du public du Magic Mirror, mais ça va être plutôt sympa. Donc Suck the Head, donc, qui joueront notamment ce morceau qui s'appelle Where You All At, qu'on écoute ici dans un enregistrement qu'ils avaient fait pendant le festival Les Années Jouées à Jouer les Tours en 2024. Where You All At, c'est donc Suck the Head. Et voilà, c'était Suck the Head, donc, qui clôtureront quasiment ce festival Jazz en Touraine 39e édition, qui aura lieu donc du 12 au 20 septembre, pardon, avec un programme que j'espère vous aura séduit pendant toute cette émission. Nous aurons passé en revue les groupes qui passent au Magic Mirror et à l'Espace Ligeria. Il ne me reste plus qu'à remercier notre ami Vincent qui a assuré la technique comme d'habitude avec brio. Et puis on va se quitter en se disant à la semaine prochaine pour retrouver une émission classique avec des nouveautés et des rééditions et des coups de cœur. Pour l'instant, bah voilà, histoire de pouvoir terminer en musique, on va peut-être se remettre le Suck the Head comme ça pour terminer en beauté cette émission. Merci à Vincent, merci à vous tous de votre fidélité à Radioactive et à Osé Jazz à tous les étages. On se retrouve lundi prochain pour une dernière émission de la saison avant une série d'émissions rediffusées pendant l'été. On se retrouvera donc fin août, début septembre pour revenir sur une nouvelle saison, cinquième saison de Osez Jazz à tous les étages. En attendant, si vous avez un moment et que vous avez des remarques, des envies, des choses à dire, eh bien vous pouvez les dire sur Facebook Osez Jazz à tous les étages ou sur Instagram Osez Jazz tout court. Voilà, passez une belle semaine et je vous donne rendez-vous pour la 107e lundi prochain.